les citoyens commencent à être déçus du peu de résultats. Notre approche a été d'aller à la source, c'est-à-dire rencontrer les personnes, les inviter à une rencontre, obtenir aussi un témoignage de leur part, identifiant qu'ils vivent des problématiques. On a eu près de 100 signataires qui déclaraient vivre des inconvénients majeurs de la présence d'AIM. Si les règlements en place permettent à AIM d'opérer de cette façon-là, il faut absolument modifier la réglementation parce que c'est intolérable. Pourquoi est-ce que dans le quartier Mézeray, une telle industrie prend tant d'espace, alors que est-ce que ça serait acceptable dans un autre quartier de la ville de Québec? Je crois que les citoyens de Mézeray ont tout à fait le droit d'être traités comme le reste de la ville de Québec.